Ok, je lance AZERTY. Internet ? Ah bah je sais pas ce que ça veut dire. C'est comme un énorme Minitel. Internet ! Internet, c'est notre voyage. Notre Zoom est consacré ce soir à un voyage orbital qui porte le nom d'Internet. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes à l'écoute d'AZERTY, vous êtes sur le 88.4 de Radio Syllabe, je m'appelle Alexandre et j'ai le plaisir d'animer cette émission, l'émission qui vous reconnecte aux thématiques numériques. En ce 23 novembre, nous vous avons préparé une émission dédiée à la cybersécurité, plus particulièrement à l'European Cyber Week. Alors l'European Cyber Week, c'est quoi ? Eh bien, c'est tout simplement l'événement dédié à la cybersécurité qu'il ne fallait pas louper à Rennes. Et si vous êtes passé à côté, pas de panique, car notre chroniqueuse Claire nous a préparé un super reportage sur le sujet. Salut Claire ! Salut ! Voilà, donc médiateur numérique, community manager, chroniqueur, l'homme aux mille casquettes est également avec nous pour parler cybersécurité. Il est venu avec une news et une chronique. Salut Florian ! Salut à tous ! Zachary et ses sujets toujours plus décentralisés est également avec nous. Il nous fera une petite chronique en fin d'émission. Salut. Bonsoir. Alors voilà, vous savez tout du programme de cette émission, reportage, chronique. Mais comme d'habitude, avant tout ça, on va passer aux news. Et aujourd'hui, Zachary, c'est toi qui ouvre le bal. Oui, rappelez-vous, dans l'émission précédente d'AZERTY, dédiée à la fracture numérique, je vous parlais de la ville de San José, en Californie, qui souhaitait utiliser la crypto-monnaie pour offrir des avantages à ses résidents. Et à la fin de cette chronique, je disais que l'utilisation des crypto-monnaies dans les villes allait très certainement accélérer. Et bien, il semblerait que Nayib Bukele, le président du Salvador, m'ait entendu. Toute la semaine dernière, du 15 au 21 novembre 2021, s'est déroulée El Salvador Bitcoin Week, une semaine dédiée, oui, vous l'avez deviné, à Bitcoin, avec au programme des conférences, des rencontres d'entrepreneurs et l'occasion pour des bitcoiners du monde entier de se retrouver et de découvrir le Salvador. Et cette semaine s'est clôturée en beauté avec l'annonce du président Bukele de la création de Bitcoin City, une ville dédiée, oui, à Bitcoin au Salvador. Alors en gros, ça consisterait en quoi Bitcoin City ? Eh bien comme vous le savez, le Bitcoin est désormais une monnaie légale au Salvador depuis le 7 septembre 2021, ce qui signifie que vous pouvez payer vos impôts en Bitcoin, mais également tout ce qui est achetable dans les commerces. Que ce soit un burger de votre fast-food préféré ou un café avec votre nom mal orthographié dessus, plus aucun commerce ne peut vous refuser l'achat via Bitcoin. À Bitcoin City, donc, la monnaie principale est finalement un peu tout, le quotidien tournera autour du Bitcoin. Mais ce n'est pas tout. Bukele annonce la construction de zones résidentielles, de centres commerciaux, de restaurants, d'un port, et aussi la mise en place d'une éducation numérique tournée vers le Bitcoin. Autre avantage à Bitcoin City, les impôts, puisqu'il n'y en a quasiment aucun. Pas d'impôt sur le revenu, ni de taxes d'habitation, de taxes foncières ou encore de redevances télé. Non, la seule taxe existante de Bitcoin City sera la TVA qui sera utilisée pour payer les charges de la municipalité et l'entretien de la ville. Le président Nayib Bukele annonce aussi 0% d'émissions de CO2 à Bitcoin City, qui utilisera entièrement l'énergie géothermique des volcans du Salvador pour alimenter les infrastructures et les transports publics. C'est près $1 milliard en Bitcoin évidemment, qui sera nécessaire pour la création de ce projet, avec une première phase d'investissement mi-2022. Encore une fois, un gros projet à suivre qui servira sans doute d'exemple, que ce soit une réussite ou bien un échec. Eh bien, merci Zachary pour ta news. Petite question, tu parles au début de ta chronique, tu reviens sur celle de ta news, tu reviens sur la chronique précédente qui parlait du Bitcoin, enfin de comment la blockchain va intégrer les villes. Quels autres usages encore tu peux nous donner ? Je sais que je te demande ça à chaque fois, mais je pense que tu es un peu l'expert de la situation. Pour utiliser la crypto-monnaie dans les villes, bah, je peux encore citer l'exemple de l'agriculture que vous pourrez utiliser. Par exemple, chaque goutte d'eau pourra être une transaction directement déduite en Bitcoin, mais aussi sera tout l'Internet des objets. Finalement, vous avez votre frigo connecté. Voilà, qui remarque qu'il manque un produit dans votre frigo. Il lance automatiquement une transaction en Bitcoin avec du coup un portefeuille Bitcoin lié uniquement au réfrigidaire. Enfin voilà, il y a énormément d'utilités qui vont venir. Pareil, par exemple, dans le métro de Rennes, là, ils ont ajouté l'option vous permettant de payer directement votre ticket en passant juste la carte bleue sur le passage. Ben, ça pourrait être aussi juste un portefeuille de crypto-monnaies. Mais on peut avoir, je te coupe, parce que je me permets de poser la question, si, en fait, on peut se questionner sur pourquoi en Bitcoin et pas en monnaie classique. Eh bien, pour la décentralisation, Alexandre. Ouais. ce ne soit pas ta banque, en fait, qui fasse la transaction et qui puisse tracer tes données et comment tu dépenses ton argent, mais bien juste une transaction en Bitcoin avec personne à la tête et donc personne pour voir où est-ce que tu dépenses ton argent. Finalement, c'est presque de la sécurité. Aussi. T'es dans le thème du sujet un peu. Un peu, ouais. Quelque part. Eh bien, écoute, je pense qu'on va passer à mon actualité maintenant. Merci. À toi, Zachary. Alors, si ce n'est pas encore le cas sur votre interface YouTube, ça ne devrait pas tarder. Le compteur de dislikes, des fameux pouces vers le bas, va disparaître. Cela fait un peu plus d'une dizaine d'années que YouTube a remplacé les étoiles par des likes et des dislikes, pour laisser la possibilité aux utilisateurs de noter les vidéos. Ce 10 novembre, la plateforme américaine a annoncé cacher le chiffre du signe de désapprobation pour protéger les créateurs du harcèlement et des attaques ciblées. Dans son communiqué, la plateforme a déclaré « Nous voulons créer un environnement inclusif et respectueux qui permette aux créateurs de connaître le succès et de s'exprimer en toute sécurité ». Les utilisateurs ne seront pas privés de la fonctionnalité, il sera toujours possible de laisser des dislikes, mais seuls les créateurs auront accès à ce chiffre, de façon à éviter l'effet boule de neige. Notons quand même que cette décision apparaît d'autant plus cocasse quand on sait que la vidéo la plus dislikée de YouTube provient de la plateforme elle-même. En effet, c'était en 2018 que le Rewind de YouTube, l'annuel résumé des grosses tendances de la plateforme, avait généré plus de 19 millions de dislikes. Jawed Karim, l'un des cofondateurs de YouTube, qu'il avait revendu à Google en 2006, souvenez-vous, hein, le monsieur derrière Miadzu, n'a pas apprécié la décision de la plateforme. En effet, selon lui, la capacité d'identifier facilement et rapidement le mauvais contenu est une caractéristique essentielle d'une plateforme de contenu générée par les utilisateurs. C'est un peu compliqué, mais en résumé, le dislike est un indicateur d'irréputation. On peut très bien tomber sur une vidéo complotiste ou un mauvais tutoriel et avoir une première appréciation de la qualité d'un contenu grâce au dislike. Toutefois, YouTube n'est pas la première plateforme à tenter un changement d'une telle importance pour soi-disant lutter contre le harcèlement. On peut citer Facebook et Instagram, sur lesquels il est maintenant possible de masquer le nombre de likes que recueillent les publications. Alors, cher chroniqueur, qu'en avez-vous pensé de cette décision de YouTube ? Je te vois pensif, Florian. Ouais, je trouve que c'est une première étape dans la lutte contre le harcèlement. Enfin, les plateformes, elles se rendent compte que c'est un véritable problème et elles se rendent enfin compte, surtout que les réseaux sociaux créent des phénomènes de meute. Quand on voit une vidéo qui a beaucoup de dislikes, on a envie de disliker aussi parce que on a envie d'embêter le créateur ou tout simplement, on n'a pas aimé nous-mêmes le contenu. Est-ce que vous rejoignez l'avis de Florian sur la question ? Moi je suis d'accord, ça fait un petit moment aussi, en reprenant l'exemple de Instagram, ça fait un petit moment qu'ils doivent enlever les likes, les cœurs, et ça n'a toujours pas été fait. Et Il me semble que c'est une option, il me semble que tu peux choisir de tu peux désactiver et activer l'option. Ouais. Ah, bon bah voilà, la pro d'Instagram n'est plus une pro d'Instagram. Mais ça reste une option, mais il y a quand même encore ce petit côté, et justement je trouve que le fait que ça reste une option, c'est très vicieux. C'est pas vraiment pour les mêmes raisons que le cyberharcèlement, mais effectivement ça revient sur des raisons d'améliorer la vie sur le réseau social. Et toi Zachary, t'approuves ça ? Si finalement les créateurs peuvent toujours avoir accès à la visibilité du nombre de dislikes pour quand même que ceux qui s'y intéressent encore puissent suivre l'engagement de leurs viewers et donc de l'intérêt de la vidéo, je pense que c'est bon, c'est toujours, ça peut être utile. Ouais. Alors je pose une question un peu technique, mais du coup comment est-ce qu'ils peuvent voir le contenu, enfin le nombre de dislikes si on n'a plus la possibilité nous-mêmes de disliker ? Dans le tableau de bord sans doute. C'est ça, c'est dans le Creator Studio qui est le tableau de bord des vidéastes où ils peuvent voir toutes leurs statistiques, les revenus, si la vidéo a marché plus que la précédente, voilà, ils pourront toujours voir. Alors après, moi pour le coup, je rejoins un peu quand même l'avis du co-créateur de YouTube. Je trouve que les likes et les dislikes sont un indicateur. Alors certes, ça a été dévié pour faire du harcèlement, mais il me semble que c'est un indicateur. Alors, je vous poserai une question sur la notation d'un contenu sur YouTube, enfin sur un réseau social. Est-ce que finalement, la meilleure façon de noter et d'apprécier un contenu, eh ben, on ne la retrouve pas sur Facebook, avec les réactions, dans les cas où les réactions peuvent être multiples. Qu'en pensez-vous ? Je suis assez d'accord. Facebook, ils ont réussi à faire vraiment vivre leur plateforme comme ça, à bien identifier. Non, je trouve effectivement que Facebook avait déjà trouvé le bon filon. Ouais. Parce que faut pas croire que, enfin, YouTube c'est une plateforme qui est là pour faire du profit. Hein. Faut pas croire que les dislikes viennent de quelque chose de purement sain de la part de YouTube. Mais oui, je voulais questionner un petit peu cette façon de noter. Ou peut-être que c'était les étoiles. Hein. Peut-être pour ceux qui ont connu YouTube à l'époque, il y avait des étoiles de notation. Mais peut-être que YouTube un jour remettra aussi son bouton j'aime pas. C'est peut-être qu'ils ne font que répondre au final à un besoin actuel, mais ça se trouve ils reviendront avec le bouton dislike d'ici quelques années. Ou peut-être qu'effectivement ils prendront la voix de Facebook qui avait compris que fallait pas être aussi binaire. Et ce qui est assez drôle, c'est que cet été Twitter faisait des tests pour intégrer le bouton j'aime pas. Et en matière de harcèlement, je suis pas sûr que Twitter soit la meilleure plateforme. Sur Twitter, j'aurais pas testé. Oui, mais c'est pour reprendre un petit peu la façon de la notation à la Reddit. Vous savez, sur Reddit, on peut upvote des posts qui vont remonter dans l'algorithme, ou downvote des posts, eh bien Twitter se pencherait sur un modèle assez similaire. Alors, Florian, je te propose de conclure cette première partie d'émission avec ta news. Oui, et moi, on va rester dans le thème du cyberharcèlement, youpi. Alors, jeudi 18 novembre se déroulait la journée de lutte contre le harcèlement scolaire. Donc avec les réseaux sociaux, on le sait, hein, photos, vidéos, publications peuvent devenir autant de contenus nocifs quand ils sont dirigés contre une seule et même personne. Alors d'après les chiffres du ministère de l'Éducation, le harcèlement touche près d'un enfant sur 10 et peut avoir des conséquences dramatiques, comme l'a rappelé en octobre dernier le suicide de la petite Dina, 14 ans. Et du coup, en réponse, le président de la République, Emmanuel Macron, a profité de cette journée pour annoncer une série de mesures pour faire en sorte que la honte change de camp. Donc, première mesure. En plus du numéro 3018 déjà mis en place, une application 3018 va voir le jour et sera lancée en février 2022 pour permettre aux victimes et aux témoins d'adresser une capture d'écran de situation de harcèlement afin que celle-ci soit encore mieux accompagnée. Deuxième mesure, Emmanuel Macron veut également systématiser le contrôle parental sur les téléphones et tablettes accessibles aux enfants. Troisième mesure, à partir de la rentrée 2022, la certification à la sensibilisation au numérique sera expérimentée dans quelques classes de 6e. Et si l'essai est concluant, il sera généralisé pour toutes les classes de 6e. Et enfin, quatrième et dernière mesure, des lieux d'accueil seront installés sur tout le territoire pour recevoir la parole des victimes de cyberharcèlement. Alors, est-ce que ces mesures fonctionneront sur le long terme ? Seul l'avenir nous le dira. Mais on peut déjà apprécier ce geste des pouvoirs publics. On peut aussi saluer l'énorme travail de terrain réalisé par les associations et le corps enseignant qui, chaque année, sensibilisent les enfants à la violence en ligne. En attendant, si vous êtes témoin ou victime, il ne faut pas hésiter à en parler aux infirmières, aux conseillers pédagogiques ou à n'importe quel adulte. Ça peut arriver à chacun d'entre nous, peu importe l'âge ou la profession. Alors continuons de nous sensibiliser à cet enjeu majeur qu'est le cyberharcèlement. Alors merci Florian de nous avoir parlé de cette énième grande cause du quinquennat. Donc toi, tu valides un petit peu ce qui a été mis en place. Pour toi, c'est suffisant aujourd'hui en 2021 pour lutter contre le cyberharcèlement ? Pour m'être pas mal renseigné sur le projet, c'est pas mal ce qu'ils mettent en place. C'est-à-dire que ça généralise un peu la signalisation. Donc en gros, dès que tu vois le signalement, pardon. Donc si tu vois une situation qui est un peu borderline, tu peux justement vite le prévenir justement les adultes ou les personnes responsables. Et en même temps, ça fait un peu d'éducation, la certification au numérique, c'est vraiment pas mal. Ça permet aux enfants justement de se sensibiliser aux médias et aux réseaux sociaux. Donc, c'est des petites choses en fait qui étaient déjà demandées par les associations de terrain et c'est enfin mis en place. Ça vient pas de l'esprit de Macron d'un coup, c'est des choses qui ont déjà été rapportées du terrain. Je me doute. Oui, Claire ? Par rapport à ta dernière chronique où tu parlais des conseillers numériques, est-ce que tu as déjà eu des cas, donc là, bien avant ce que Macron veut, du projet de Macron, est-ce que tu as déjà eu des cas du coup de cyberharcèlement où tu as demandé comment on fait, quelles solutions avoir. Non, mais il y a déjà des outils, il y a des plateformes qui fonctionnent très bien. Je pense notamment à e-enfance qui propose justement des ateliers déjà tout faits pour parler du cyberharcèlement. C'est déjà utilisé dans les écoles. Donc en fait, il n'y a rien de nouveau qui est proposé par Macron. C'est juste qu'il va mettre enfin des moyens. C'est ça en fait qui manquait parce qu'on peut autant sensibiliser qu'on veut, mais on a besoin vraiment de responsabiliser les enfants en disant voilà, tu te sers des réseaux sociaux, bah faut aussi se rendre compte de ce que ça peut être, quoi. Eh bien, écoutez, sur cette news, on va passer à la suite. Dans un instant, on va écouter Claire pour son reportage au cœur de l'European Cyber Week. Nous aurons également droit aux chroniques de Zach et Florian. Mais pour l'instant, on passe au show musical de Zach. Tout de suite, c'est Junip. Junip, oh là, Junip, Far Away sur Syllab. Ça marche, Internet. C'était Junip Far Away sur Radio Syllab. Vous écoutez Azerty, l'émission numérique de la Radio Sauvage. Aujourd'hui, on revient sur l'European Cyber Week et la cybersécurité. Claire, c'est à toi. Oui, effectivement, pardon Alex, j'ai eu la chance de me rendre à la 6e édition de la European Cyber Week, événement qui a lieu tous les ans à Rennes, donc au couvent des Jacobins, et qui a pour but de promouvoir tous les métiers existants dans les différentes filières de la cyber. Je vous avoue que je suis sortie un peu épatée et avec un arrière-goût de « j'en ai pas assez vu ». La cybersécurité, en fait, elle renferme énormément de domaines et c'est plutôt impressionnant. Mais moi, je me suis plutôt penchée vers une thématique donc très intéressante, les femmes dans la cybersécurité. Donc au cœur de la European Cyber Week se déroulent plusieurs tables rondes et conférences, donc, dont la Women Cyber, donc, qui est une journée exclusivement dédiée aux femmes dans les métiers de la cyber. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la sous-représentation des femmes au sein de la cyber ainsi que du numérique est un sujet qui préoccupe de plus en plus les acteurs de ces deux domaines. Donc la Cyberwoman, elle a donc été créée dans le but donc, de mettre en avant les carrières de femmes qui ont cassé les codes. Et quand je parle de codes, je parle des stéréotypes et des fausses idées qui sont encore reçues autour de ces métiers. J'ai également eu la chance de participer à une de ces conférences et d'interviewer Rebecca Legoni, qui a 23 ans à peine, a déjà un beau parcours. Je vous laisse tout de suite écouter le reportage. Et il y en a même une, alors je ne sais plus laquelle d'entre vous m'a dit, un de ses profs de lycée lui a dit, de toute façon, les sciences, c'est pas pour les filles. C'est juste triste de se dire qu'il y a des gens qui peut-être se limitent ou n'osent pas. Son père avait commencé par lui dire, non, tu pourrais être médecin, mais tu ne vas pas faire ingénieur. Ouais. Parce qu'on pouvait être femme médecin, enfin, etc., mais ingénieur, c'est un métier d'homme. Non, mais on m'a quand même dit, c'est pas un métier pour les femmes. Je pense que s'il y avait peut-être plus de modèles féminins ou qu'on les mettait peut-être plus en avant, eh bien, les jeunes filles ne se poseraient pas la question de se dire est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est pas pour moi. Pour être un petit peu cru, il y a des cons partout. Maintenant, il faut passer au-dessus de ça et se dire bah, en fait, c'est pas grave, j'ai juste une personne un peu conne, excusez-moi, en face de moi et voilà, je passe au-dessus et je. Voilà. Le 25 octobre dernier, l'enquête sur les profils de la cybersécurité de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information a révélé que 90% des professions du secteur de la cyber sont prises d'assaut par les hommes. C'est un peu plus que dans le domaine du numérique, où seulement 27,9% des emplois sont occupés par des femmes, selon Numem, premier syndicat de représentation de l'écosystème numérique en France. Ces chiffres illustrent le manque d'appétence des femmes pour ces métiers, qui se traduit majoritairement par la persistance de biais inconscients forts, notamment en matière de genre. Dès le plus jeune âge, certaines idées s'installent comme le fait que les métiers plus techniques seraient plutôt destinés aux garçons. Au fil du temps, cette croyance s'est immiscée dans l'esprit d'une majorité de femmes qui excluent inconsciemment certaines orientations ou professions, les assimilant à des secteurs dits « faits pour les hommes ». Pour confirmer ces chiffres, je suis allée poser la question à quelques personnes travaillant dans le domaine de la cybersécurité. Bah, je pense que c'est à peu près la même chose pour l'informatique aussi, la place des femmes dans l'informatique et tout ce qui est profession scientifique liée justement... Voilà, c'est vraiment des professions, des études qui sont extrêmement monopolisées par les hommes parce qu'elles sont vues plutôt comme... Enfin, il y a beaucoup de connotations et de stéréotypes masculins autour de l'informatique, de tout ce qui est hacking, cyber. Je sais qu'on a très très peu de représentations féministes et féminines dans le domaine du hacking. Donc c'est vrai que... Bah, c'est tout l'intérêt des représentations, justement, de pouvoir pousser. D'ailleurs, il y a quelques ouvrages là qui poussent justement à essayer de représenter les femmes, à montrer qu'il y a eu des femmes en fait dans tout ce qui est cyberdéfense, cybersécurité. Mais c'est encore très faible, quoi, vraiment. Ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup, ou alors elles sont pas forcément médiatisées, enfin pas assez médiatisées. Et faudrait que ça change. Je pense qu'elles sont totalement sous-représentées. Alors c'est peut-être un problème d'attractivité et en même temps un problème de formation. C'est qu'on ne les attire pas dans ce type de formation et forcément après on ne les retrouve pas dans les métiers de la cybersécurité. Ça pourrait permettre notamment d'avoir d'autres visions que forcément nous on n'a pas. Mais donc oui, je pense qu'elles sont totalement sous-représentées. Je pense que chez nous, il y en a deux sur 40 ou 50. Donc voilà. Après, je pense que ça tend à changer, mais bon, ça prend le temps. Eh bien, c'est un sujet qui est assez compliqué parce qu'en fait, Alors, si on parle que de nombres, moi, j'étais en formation ingénieur il y a 3-4 ans. On avait par promotion, on va dire, 5% de femmes. À l'IUT, tout ce qui est, donc en informatique, développement, c'est des chiffres similaires. Et du coup, on entend beaucoup qu'on ne donne pas assez la place. Donc c'est vrai qu'il faut essayer d'aller chercher, en fait, motiver des gens qui n'auraient pas l'impression que c'est fait pour eux. Je pense que ça s'adresse aux femmes, ça s'adresse aussi peut-être à d'autres gens qui, de par leur parcours auparavant, se disent que c'est pas un monde qui est fait pour eux. Et c'est vrai que c'est simplement en regardant les nombres, la question se pose. Dans le cadre de la recherche, je pense qu'on a des chiffres qui sont un peu plus valorisants, on va dire. Mais c'est vrai qu'on reste sur des chiffres qui sont extrêmement faibles, quoi. Alors, vous avez c'est le titre de la table ronde. Vous avez chacune à votre manière, et on va voir ça, oser casser les codes, oser et casser les codes. Rebecca Legoli, donc vous êtes data scientist au secrétariat général pour l'administration au ministère des Armées. En fait, vous, c'est vraiment familial, hein, en fait, cette culture cyber. Du coup, en quelques mots, en quelques phrases, est-ce que tu peux me présenter déjà ton nom, qu'est-ce que tu fais et voilà ton parcours un petit peu. Ok, donc je m'appelle Rebecca Legoni, j'ai 23 ans et aujourd'hui je suis doctorante et data scientist au ministère des Armées. Donc mon parcours, après mon bac, j'ai voulu faire des maths. Je suis allée en licence de maths à l'université Pierre et Marie Curie à Paris. Finalement, j'ai découvert l'informatique, j'ai adoré. C'était une licence, donc j'ai fait une licence d'informatique. C'était très théorique, et j'ai vu beaucoup de choses, que ce soit en réseau, en base de données, en algo. Et puis en L3, j'ai dû donc prendre des matières qui étaient des matières d'ouverture pour les masters. Et donc là, j'ai choisi de prendre des matières de data science. Et j'ai adoré, donc je me suis lancée dans un master de data science, c'est le master Big Data et fouille de données à l'université Paris 8. Durant ce master, j'ai dû faire un stage de fin de M1 déjà. À ce moment-là, j'ai trouvé le labo BI et Big Data donc du ministère des Armées, dans lequel j'ai fait mon stage. J'ai adoré, l'équipe était trop cool, donc du coup, je suis restée pour une année d'alternance. Et là, donc j'ai fini mon alternance en août, et donc je viens de commencer un doctorat qui est donc financé par le ministère des Armées. Mais cette fois-ci, j'ai changé encore une fois de fac et je suis à l'université Descartes, enfin université de Paris maintenant. Et concrètement, donc moi, au sein de cette journée, j'ai compris qu'il y avait beaucoup de domaines au sein de la cybersécurité. Toi, concrètement, du coup, ton travail et tes études au sein justement de la cybersécurité, c'est quoi ton rôle? Enfin, qu'est-ce que tu as pour mission? Bah, moi, je ne me considère pas forcément dans la cybersécurité parce que je fais vraiment de l'intelligence artificielle. Donc, du coup, moi, mon rôle, ça va être de créer des intelligences artificielles qui vont aider à prendre en compte un maximum de données pour, disons, prédire la future donnée. Ça peut s'appliquer en réalité à tous les domaines possibles imaginables, à tout type de données. Moi, ma spécialisation, c'est les images. Et donc moi, je vais faire genre de la reconnaissance d'objets, de la reconnaissance d'images, de la classification d'images ou bien même du clustering d'images. Enfin voilà, moi ça c'est ma spécialisation. Et qu'est-ce que tu penses de la place des... Bon là on en a beaucoup parlé, c'était le thème hein, de la Cyberwoman, mais qu'est-ce que tu penses de la place et de la représentation des femmes du coup, bah, notamment, est-ce que tu as des exemples de que tu vois au quotidien et est-ce que tu peux m'en parler ou généralement? Alors moi, quand j'étais juste en terminale S, je trouvais qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de filles. Je vais commencer direct par dire que moi, ça ne me dérange pas forcément qu'il n'y ait pas beaucoup de filles parce que je m'entends très bien avec les garçons. Mais j'ai quand même fait des constats. En licence, il n'y avait pas beaucoup de filles, mais il y avait surtout pas beaucoup de professeurs filles. En master, donc spécialisé data science, alors là, il y avait vraiment 20% de filles et une prof femme. Mais par contre, donc voilà, je me rendais compte que bah voilà, l'informatique, etc., il n'y a pas beaucoup de filles. Mais là, là où je travaille, bah, il y a pratiquement 50% de filles parce que ma chef prend ça à cœur. Et finalement, du coup, ça ne me choque pas, dans le sens où ça ne change pas vraiment. C'est plus cool ou moins cool. De toute façon, pour moi, les gens sont uniques. Ils ont des identités, des caractères différents qu'on peut aimer ou pas. Après, le fait qu'il y ait de la mixité, c'est bien. Mais c'est pas que de la mixité homme-femme. Je trouve qu'il faudrait avoir c'est de la mixité avec toutes, par exemple, les nationalités ou autre, quoi. Et justement, là, pendant la table ronde, les interventions, tu as parlé que tu étais engagée dans un projet justement pour lutter, entre guillemets, contre le clivage homme-femme au sein de ces métiers-là. Oui, alors je fais partie d'une association du ministère qui s'appelle les combattantes at numérique. Et donc, on fait plusieurs actions où, en fait, on montre dans les métiers du numérique, il y a de la place pour les femmes. Donc, typiquement, là, ma participation à cette table ronde, c'était dans ce cadre-là. Et là, il y a un kakémono qui sera présenté avec donc, les combattantes at numérique. Et c'est ce type d'intervention qui montre que, on est là, c'est possible, etc. Mais c'est pas tant pour blâmer les hommes du tout. C'est plus pour montrer qu'il y a de la place pour tout le monde et qu'il ne faut pas avoir peur. Tu penses que, avec ces multiples actions, Est-ce que tu penses que là, d'ici quelques temps, allez, je sais pas, quelques années, ça va évoluer, ça va changer, ou tu penses que justement ça va un peu stagner et... Bah, en fait, moi, je peux parler que en fonction de mon expérience, et je sais que moi, si j'avais pas fait de ce que je fais aujourd'hui, c'est pas parce que j'aurais eu peur ou quoi, c'est juste parce que j'aurais été en manque d'information, manque de connaissances de ces métiers. C'est vrai que les garçons qui jouent, c'est très cliché, mais les garçons qui jouent plus aux jeux vidéo que les filles sont plus vite baignés dans le monde de l'informatique, etc., et donc peuvent plus vite toucher du doigt ce type de métier. Les filles, s'il n'y avait pas mes grands frères, je ne sais pas si j'aurais été un jour au courant de ces possibilités. Donc oui, je pense que le fait de montrer dès le plus jeune âge, dès le collège, etc., que ces métiers existent, finalement, ça peut planter des petites graines dans les esprits et que c'est comme ça que ça peut faire évoluer du coup la place des femmes dans ces métiers. Aujourd'hui, pour lutter contre cette sous-représentation des femmes dans le domaine de la cybersécurité, il existe des collectifs et des associations telles que Women for Cyber, dont l'objectif est de promouvoir, encourager et soutenir la participation des femmes dans ce domaine. En 2020, de plus en plus de femmes interviennent dans les collèges et les lycées pour déconstruire les stéréotypes rattachés à ce domaine. On espère que d'ici quelques années, nous compterons autant de femmes que d'hommes au sein de ces métiers, plus importants que jamais pour faire face aux menaces. Merci Claire pour ton reportage au cœur de l'European Cyber Week, un reportage très enrichissant sur la place des femmes dans le numérique et plus particulièrement dans la cybersécurité. Alors Claire, j'ai un peu envie que tu nous parles de ce que tu as pu voir d'autre à l'European Cyber Week. Est-ce que tu as eu des échanges peut-être avec des gens là-bas que tu n'as pas nécessairement pu mettre dans le reportage, tout simplement? Tu veux que je parle exclusivement de la Women Cyber ou non En général, tu peux revenir dessus si tu veux, mais... Alors oui, j'ai rencontré, il y a énormément de monde là-bas, c'est impressionnant. Je suis passée un petit peu sur les stands, évidemment, pour aller interviewer différentes personnes. Et j'ai croisé des gens qui sont beaucoup dans l'intelligence artificielle, donc notamment qui avaient le fameux casque virtuel Oculus. Donc c'était très intéressant. Et en fait, ils utilisaient ce casque pour, le monsieur que j'ai interrogé était architecte. Ils appellent ça comme ça pour tout ce qui est système de sécurité pour lutter contre les cybermenaces. Et en fait, ils utilisent le casque Oculus pour justement aller à l'intérieur et voir... c'est très dur à expliquer, mais aller dans l'ordinateur et voir comment ça se passe au niveau de tout ce qui est système de sécurité, et j'ai trouvé ça très intéressant. Alors j'ai malheureusement pas eu le temps de tester Oculus, je vous avoue, mais oui, il y avait un peu de tout, il y avait Thales, il y avait Orange, et Orange qui fait des super trucs, je vous avoue. J'ai pas eu le temps de discuter avec tout le monde, mais en tout cas, je vous invite vivement d'y aller l'année prochaine, parce que c'est un super truc, c'est un super rendez-vous, mais pour tout le monde, hein. Ouais, je veux bien te croire. Ton reportage parle beaucoup de la place de la femme dans le numérique et la cybersécurité. Comment concrètement, d'après toi, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Est-ce qu'on devrait mettre en place des quotas dans les écoles d'informatique, ce genre de choses, pour essayer un petit peu de rééquilibrer la balance? Alors des quotas, je trouve que ça bride vachement... Je sais pas, j'ai posé ça comme ça. Ah mais ça se pose. Ouais, non mais ça pourrait être une solution, mais voilà, c'est pas que la cybersécurité, et je parle en cause, c'est que moi j'étais... Voilà, Alex, tu sais, t'as été dans la com, t'as fait tes études dans la communication, oui. Et encore, moi j'ai... Et quand tu te retrouves en licence, ça va au niveau de la parité homme-femme, mais quand tu te retrouves à l'IUT... Il y a 6 hommes pour, je sais pas, on était 86 femmes, quoi. Donc là, c'est le problème inverse, justement. Mais non, pas mettre de quotas, mais voilà, c'est ce qui a été dit au cours des différentes tables rondes et conférences, c'est que, voilà, dès le plus jeune âge, intervenir dans les collèges et les lycées, voilà, pour dire aux femmes, c'est tant que vous avez un cerveau, vous êtes capable, en fait, de faire ces métiers-là, et voilà, et... Et comme disait Rebecca dans son reportage, voilà, elle a eu la chance d'être baignée là-dedans très jeune parce que y a ses frères qui, l'ont incité aussi. Donc c'est tout un discours bienveillant. Et encore une fois, voilà, ce que disait une intervenante, c'est que il faut éduquer aussi les garçons à ne pas tomber dans les stéréotypes, en fait. Zachary ? Et oui, c'est comme disait Rebecca aussi, c'est parce qu'elle a une chef que du coup. Peut-être que du coup, la cause lui tient à cœur, et c'est peut-être aussi au niveau des recruteurs à faire le travail mental de se dire ok, là il faut faire une parité parce que c'est normal en fait finalement. Et je pense qu'il y a aussi ce côté-là où du fait que c'est aux recruteurs aussi de faire attention dans les entreprises notamment à cette question-là. J'avais un peu posé cette question-là, je ne l'ai pas mis dans mon reportage, mais parce que ça aurait fait beaucoup trop de son. Mais justement, j'ai essayé d'aller un petit peu plus loin et de savoir, de leur poser la question de est-ce que vous, dans votre cas concret, dans votre entreprise, est-ce que vous avez déjà des solutions qui sont mises en place? Et voilà, il y a une ou deux personnes qui me disaient que oui, ça tend à changer, mais ils n'ont pas vraiment de solution concrète. Le problème, ils y pensent, mais à part faire de la prévention, c'est tout. Et voilà, malheureusement, c'est que ça tend à stagner un petit peu encore, et c'est dommage. Mais il y a des choses qui sont mises en place, comme j'ai pu citer, plein d'associations et de collectifs. Et voilà, je vous invite à aller découvrir ça. Eh bien, super. Encore une fois, merci à toi pour ce super reportage. On continue cette émission spéciale cybersécurité dans un instant. Mais avant, on va s'octroyer une petite pause musicale. J'ai pas fait exprès. Jimmy, je vous propose d'écouter Peur des filles par l'impératrice. Ça va pas leur suffire de les séduire, leur offrir des coquelicots. Elles vont venir pour te punir, tu sais bien qu'elles veulent ta peau. Pour toi ni mot doux, ni rendez-vous, mais un coup de genou bien en place. Tu imagines le fiasco, si en plus elles sont costauds. Parce que le Wi-Fi va super vite. Il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça qui offrent une connexion fibre avec une vitesse gigabit. Issu du dernier album Takotsubo, on vient d'écouter Peur des filles par le groupe L'Impératrice sur Radio Syllab. Aujourd'hui dans AZERTY, on vous parle cybersécurité et tout de suite, c'est l'heure de la chronique de Florian. Alors, je vais vous poser une question. Donc, la cybersécurité est-elle la nouvelle amie de la démocratie? À l'heure du tout connecté, notre citoyenneté s'exerce aussi bien dans le monde réel que dans le monde virtuel. Nos droits doivent être garantis, mais est-ce qu'on est vraiment sûr que les moyens mis en place pour lutter contre les menaces numériques ne sont pas dangereux pour nos libertés individuelles? Géolocalisation, reconnaissance faciale, mutualisation des données personnelles, franchement, on peut s'interroger. Les menaces sur Internet sont un phénomène qui croît de manière exponentielle. En 2020, plus de 50% des crimes étaient liés au numérique. 80% des entreprises européennes ont déjà été victimes d'une cyberattaque. Des mesures de protection ont déjà été mises en place, mais ces dernières sont parfois jugées intrusives pour les citoyens, contraignantes pour les acteurs économiques. En d'autres termes, est-ce qu'au nom de la lutte contre les cybermenaces, devons-nous tout accepter? Pour Jérôme Tréhardy, conseiller de la région Bretagne délégué au numérique, la question ne se pose même pas. Pour lui, la cybersécurité garantit la souveraineté d'un pays et permet de mieux assurer la sécurité des citoyens. Donc, je suis bien conscient qu'il y a de la défiance et que nombreux sont ceux qui voient l'ombre de Big Brother se profiler. Mais c'est parfois la démocratie elle-même qui est attaquée. Par exemple, 3 jours avant le second tour de la présidentielle, au printemps 2017, des pirates informatiques ont tenté de manipuler l'élection française en dévoilant des courriels de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron et en y mêlant sciemment des fausses informations. Donc, s'il était possible de prouver qu'il s'agissait d'une attaque informatique, les conséquences ont quand même été qu'une partie de l'opinion publique pensait et pense toujours que le président cache des comptes bancaires aux Bahamas. Encore récemment, nous avons découvert qu'une partie de la classe politique française avait été victime d'un logiciel espion nommé Pegasus, une affaire majeure qui a encore des conséquences diplomatiques importantes sur la relation internationale. Au final, les technologies numériques ne sont que des outils, ni bons ni mauvais, c'est l'usage qu'on en fait qui est la clé. Et c'est là que le législateur, mais aussi la société dans son ensemble, doivent décider de l'usage que l'on veut en faire. À condition, bien entendu, que tous les partis soient correctement informés et que les décisions soient prises de façon transparente. La pleine liberté sur Internet est donc impossible. Nous ne pouvons exercer nos droits que si nous nous sentons en confiance. Penser pouvoir évoluer sans protection sur Internet est utopique. Je ne peux entreprendre que si je sais qu'on ne peut pas me confisquer mon bien du jour au lendemain, et je ne peux faire une opinion que si ce qui se passe dans le monde, et je ne peux me faire une opinion que sur ce qui se passe dans le monde, que si je pense que l'information que je reçois est fiable. Demain, avec les technologies numériques, nous allons être connectés en permanence et donc être en capacité d'interagir en permanence avec les autres, que ce soit dans la sphère professionnelle ou privée. Demain, nous vivrons, nous travaillerons, nous nous déplacerons dans une ville à deux espaces, un espace réel et un espace virtuel, comme nous le promet Mark Zuckerberg avec ses fameux métaverses. Ces deux espaces se superposeront pour mieux répondre à nos attentes et besoins d'Homo Numericus, mais ils ne pourront subsister qu'avec une sécurité proportionnelle aux possibilités qu'ils nous offrent. C'est le revers de la médaille. Bref, si vous êtes à la recherche d'un emploi avec de grosses perspectives d'avenir, vous pouvez vous diriger sans crainte vers la cybersécurité, vous ne manquerez jamais de travail. Merci Florian pour ta chronique où tu nous dresses un petit peu un portrait de ce qu'est la cybersécurité aujourd'hui dans le monde et des enjeux qu'ils ont. Des enjeux qu'il y a autour de ce sujet. T'as cité beaucoup de chiffres. Moi, je pense aussi à... c'était en 2017 qu'il y avait eu l'attaque WannaCry. C'était un rançongiciel, donc un logiciel qui demande une rançon, qui a infecté votre machine, qui avait touché plus de 300 000 ordinateurs dans plus de 150 pays. Et c'est connu comme étant la plus grande cyberattaque de l'histoire. Et puis je pense que vous avez suivi l'actualité et que peut-être vous n'avez pas le chiffre exact, mais pendant le Covid, l'ANSSI, donc l'Agence nationale des systèmes l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, rapportait une augmentation de 250% des signalements d'attaques par ransomware. Et plus particulièrement, c'était les hôpitaux qui ont été touchés, donc pour récupérer les données de santé. Je vous pose la question, la cybersécurité et surtout savoir se défendre des cyberattaques, c'est devenu une nouvelle façon d'asseoir son soft power. Peut-être que vous n'avez pas la notion de soft power. Si. Tu peux la définir? Justement, c'est les fameux soft skills, justement, les nouvelles compétences qu'on doit avoir. Aujourd'hui, effectivement, on va être obligé d'être vigilant, de connaître justement tout ce qui se passe sur Internet et aussi d'avoir une hygiène numérique, être conscient de qu'est-ce que c'est justement un rançongiciel, comme tu le disais, et que nous sommes tous vulnérables, quelque part. Et donc le soft power, c'est un petit peu l'influence de puissance que peut avoir un État. Toi, Zachary, sur cette question justement du soft power, qu'est-ce que t'en penses ? Eh ben, je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot. Voilà, mais c'est un peu, oui, c'est un peu le truc de nul n'est censé ignorer la loi. Je pense que ça va être un peu devenir cette question-là sur la cybersécurité, sur tout ce qui est antivirus, phishing, etc. Il va falloir faire ultra gaffe, être au courant de tout ce qui se passe. Mais je pense que oui, malgré tout ce qui est mis en place, en fait, il va y avoir un taf monstrueux pour que tous et toutes prennent conscience de ce qui est réellement en jeu, quoi. De toute façon, aujourd'hui, il va falloir être pragmatique. Si je devais m'essayer une métaphore, je dirais que Internet, au début, jusque dans les années 2015 environ, on était une grosse bagnole qui s'élançait sur l'autoroute à 230 km à l'heure. Sauf que là, aujourd'hui, il y a un petit gendarme qui nous dit « Oh, Coco, tu te calmes un petit peu, tu baisses, voilà, t'es pas tout seul, tu dois faire attention à toi, aux autres, à tes proches. » Donc maintenant, c'est un petit peu l'heure, on va dire, l'avènement de l'Internet responsable, donc moins rigolo, malheureusement. Claire, toi, tu étais du coup à l'European Cyber Week, et je me pose la question, l'événement était centré sur de la cybersécurité à grande échelle, à échelle d'organisation et d'État, ou alors vous avez aussi parlé de la cybersécurité du quotidien, du citoyen? Alors j'avoue que c'est un petit peu moins sur la vue que bon, c'est destiné à tout le monde, hein, encore une fois, mais c'est surtout destiné, voilà, à d'autres agences ou entreprises qui souhaiteraient au mieux en fait se protéger de tout ce qui est cyberattaque. Après, voilà, c'était comme et le titre de l'événement, c'est l'European Cyber Week, donc il y avait plusieurs États, et je sais qu'il y avait le Pays de Galles. Il y avait des Russes aussi, et il y avait énormément de personnes, donc de commandants qui étaient dans les armées, dans la police, et voilà, qui travaillent au sein de la cybersécurité. Et c'était très intéressant, et je tiens à dire que j'ai rencontré Jérôme Tréhardy une fois, et il est très sympa, le bonhomme. Et on ne sait pas qui c'est. C'est le monsieur cybersécurité de Bretagne. Très bien. Très bien, écoutez, merci pour cet échange. On passe à la suite avec ta chronique, Zachary. Oui, alors comme le disait Florian précédemment, l'année 2020 n'a pas été seulement marquée par la crise sanitaire, mais aussi par une augmentation massive de la cybercriminalité. L'épidémie de Covid-19 a entraîné une augmentation inédite des usages numériques liés au confinement et notamment par le télétravail. Refaite début 2020, la plateforme cybermalveillance.gouv.fr a pour mission d'assister les victimes de cyberattaques, de les informer sur les menaces et les moyens de s'en protéger. Toujours en 2020, cette plateforme a connu une forte hausse de sa fréquentation, plus de 155% par rapport à 2019, ce qui représente plus de 1,2 million de personnes qui ont visité ses contenus et ses alertes. Lors des premières semaines de confinement au printemps 2020, les visites ont atteint un pic de près de 600%. Dans le top 10 des recherches d'assistance effectuées par les particuliers, on retrouve dans l'ordre le phishing, dit hameçonnage, le piratage de comptes, le faux support technique, le piratage informatique et le chantage à la webcam. Le classique virus n'arrive lui qu'à la 6e place. On pourrait croire que ces attaques n'arrivent qu'aux autres jusqu'au jour où ça nous tombe dessus, et là, c'est la panique. En réalité, on est quasiment toutes et tous concernés. Ah bah si, que ce soit vos codes d'accès à vos applications bancaires, services publics, réseaux sociaux, sites marchands, jusqu'à la pauvre, on l'oublierait presque, boîte mail, eh oui. Tout autant de services aujourd'hui qui nécessitent de choisir minutieusement, généralement un identifiant et un mot de passe. Au-delà, il reste encore les logiciels d'antivirus, les sites internet frauduleux et plein de pièges à éviter. Alors, existe-t-il des solutions simples pour protéger un maximum vos informations ? Eh bien, oui, et la plus simple à mettre en place est aussi la base même de la confidentialité, il s'agit d'un bon mot de passe. D'après une étude de Verizon, une importante entreprise de télécommunications américaine, en 2021, 81% des notifications de violation de données mondiales seraient liées à une problématique de mot de passe. En France, depuis le début de l'année 2020, environ 60% des notifications reçues par la CNIL, la Commission nationale de l'information et des libertés de France, sont liés à du piratage, et un grand nombre aurait pu être évités par le respect de bonnes pratiques en matière de mots de passe. Pour faire un bon mot de passe, toujours d'après la CNIL, il doit contenir au moins 12 caractères, parmi lesquels des minuscules, des majuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Il faut éviter les informations personnelles telles que votre date de naissance, ou encore éviter les mots de passe classiques, si vous savez, les fameux comme AZERTY, Password ou encore 123456. Si vous en avez marre d'avoir des dizaines de mots de passe différents pour chaque produit, il existe ce qu'on appelle des gestionnaires de mots de passe. Alors, un gestionnaire de mots de passe est un type de logiciel ou de service en ligne, type extension navigateur web, qui permet à un utilisateur de gérer ses mots de passe. Le gestionnaire de mots de passe est protégé par un mot de passe unique, afin de ne plus en avoir au final qu'un seul à retenir. C'est un moyen de cybersécurité qui est de plus en plus utilisé, que ce soit par des particuliers ou des entreprises. On peut vous recommander LockPass, le seul gestionnaire centralisé de mots de passe certifié par l'ANSSI. Une autre solution est de faire attention aux mails frauduleux que l'on peut recevoir, le fameux phishing. Et si vous savez, ces fameux mails bourrés de fautes avec des liens mis en avant sur lesquels on vous invite à cliquer, que ce soit pour obtenir un cadeau ou pour mettre à jour des informations d'un site quelconque. Ne cliquez surtout pas dessus. En général, ces mails déclenchent un petit téléchargement discret sur votre PC qui peut causer pas mal de dégâts. Ou alors vous allez arriver sur une page web qui va vous demander de remplir des informations personnelles sous couvert de l'identité graphique d'un site très connu. Vérifiez bien l'URL, le lien du site, il s'agit certainement d'un faux site créé exprès pour vous avoir. Vous pouvez aussi télécharger un antivirus, on le sait, ils ne sont pas infaillibles, mais ils peuvent malgré tout limiter grandement les attaques. AVG ou Kaspersky restent des valeurs sûres dans le domaine. Aujourd'hui, dans les années à venir, il va falloir faire preuve de toujours plus de vigilance face à ces cyberattaques et à leur évolution. Prenez soin de vous physiquement, mentalement et aussi numériquement. Eh bien, merci beaucoup, Zachary, pour ta chronique. Je rajouterais un point où on est particulièrement infaillible, c'est où sont stockées nos données. Je pense par exemple aux GAFAM. Si mes souvenirs sont bons, c'était en 2018 que Facebook avait subi une grosse attaque et beaucoup de données personnelles, dont des mots de passe, s'étaient retrouvées dans la nature, souvenez-vous. Eh bien, il me semble qu'à l'époque, tu étais chroniqueur d'Inattendu et que j'avais chroniqué là-dessus, sur le fait que voilà, les mots de passe de beaucoup de personnes, et à l'époque, tout le monde quasiment s'était fait déconnecter de Facebook parce que justement, il y a eu une fuite de mots de passe. Et là-dessus, on n'a pas du tout de contrôle parce que ce sont nos données personnelles qui sont stockées. Et si ces grandes sociétés se font attaquer, nous, on ne peut rien faire à côté. La fameuse centralisation, toujours. Hein. Voilà. Toujours partout. Hein. ici. Je vous recommanderais d'ailleurs, si vous ne connaissez pas, Firefox Monitor, hein, qui vous permet de rentrer votre adresse mail et vous pouvez voir avec quels services qui sont liés à votre adresse mail ont connu des fuites de données et quelles données ont été volées. Hein. Donc ça peut aller du juste nom-prénom au mot de passe. Est-ce que vous, dans la vie de tous les jours, vous avez mis en place des choses aussi basiques que des antivirus, mais peut-être des choses un peu plus poussées comme des gestionnaires de mots de passe? Zachary, j'imagine que toi... Alors... Si tu as un portefeuille de crypto-monnaie, tu veux que soit protégé. Du coup, oui, au niveau crypto-monnaie, il faut absolument bien garder ses clés, hein, ça c'est sûr. Mais en ce qui concerne mes autres usages d'identifiant et de mot de passe, j'ai pas encore passé le cap de passer sur un gestionnaire. Okay. Mais j'ai un bloc-notes, voilà, très bien, très oh là là, bien planqué. Le bloc-notes, ça c'est une très mauvaise idée. Ne suivez pas l'exemple de Zachary. Non, mais il est sur une clé très bien planquée. Tout est sécurisé, bien sûr. Mais en ce qui concerne les mots de passe en eux-mêmes, bah, évidemment, c'est des chiffres, des caractères spéciaux à gogo. Enfin voilà, pas de hasard chez moi. Quoi. En soi, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'avoir une bonne hygiène numérique, c'est très très simple. Il suffit juste d'avoir un bon mot de passe, et en règle générale, ça suffit. Il faut checker régulièrement, et puis après c'est ça roule tout seul. Ouais. Faut pas forcément avoir des techniques de fou pour cacher ces contenus, ces mots de passe. Ça peut être vraiment un mot de passe que tu testes sur un site. Du moins, c'est le début. Voilà, le début, c'est le bon début de l'hygiène numérique. Si tu veux aller très loin, tu peux récupérer des clés biométriques, des clés USB biométriques, tout ça. Voilà, si vraiment tu as envie quelque chose que j'aimerais bien tester. Toi, Claire, tu mets en place peut-être... Oui, tout à fait. Non, alors moi, très franchement, hein, l'idée de... C'est pas une mauvaise idée en soi, mais il faut s'y tenir, tu vois, l'idée de... Et quand tu changes deux fois de PC... C'est terminé. C'est terminé, le bloc-notes où se perd, et moi, il s'est perdu plusieurs fois où il a été supprimé, mais... La vraie solution, c'est le papier, finalement. Hein. Écrire sur un bout de papier, le garder chez soi. Pas sûr. Mes amis, au vu de mon conducteur, c'est déjà l'heure de nous quitter, mais avant... C'est l'agenda de la semaine. Ce 3 décembre se tient au couvent des Jacobins l'annuelle Digital Tech Conférence, un rendez-vous sous le signe de l'innovation vertueuse. Comment repenser, innover, transformer le numérique au service du progrès social et environnemental. Pour prendre son billet et en savoir plus sur les conférences, ça se passe sur ladigital.tech. Pour les étudiants, professeurs et autres membres de la communauté étudiante, le Fab Lab du pôle numérique de Beaulieu organise un atelier dédié au dessin numérique. L'objectif est de se former au logiciel libre Inkscape et de comprendre le dessin vectoriel. Ça se passe vendredi 10 décembre de 10h à 13h et vous pouvez vous inscrire sur fcp.univ-renin.fr. C'est tout pour l'agenda de la semaine. Nous, on vous quitte en vous rappelant que toutes les émissions sont disponibles en podcast en tapant les 6 premières lettres de votre clavier, A, Z, E, R, T, Y. Et surtout, n'en faites pas un mot de passe. Pour nous trouver sur les réseaux sociaux, ça se passe au @AzertiSyllab. Nous, on vous quitte avec, avec ton morceau, Zachary. Qu'est-ce que tu as choisi de nous faire écouter pour finir ? Non, c'est le mien, Alex. Ah, c'est le tien, pardon. Et ben moi, c'est First Light de Django Django. Et on écoute ça tout de suite. Salut !